fous de rock. 89.1. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale d'Assemblage requis, une grosse pointe en dresse. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Ça fait un bon mois et quelques, on ne s'est pas vus. Je sais pas. Environ, plus que ça. Depuis le début du mois de mai. Un mois et demi. Alors, bienvenue à cette émission spéciale où on va se gâter un petit peu pendant l'été. C'est notre première fois en ondes depuis qu'on a terminé la session d'hiver. Et comme vous connaissez, Assemblage requis, vous écoutez tout le temps et vous avez remarqué notre présence. Les matins comme ça, et notre envie de manger ensemble. Ben oui. Et on s'est dit que cet été, ça fait peut-être la peine de le refaire au moins une dernière fois. Surtout que ça fait un mois et demi qu'on a juste pas mangé. On a pas mangé du tout, on s'est retenu. Oh ouais, fait que ce matin, on se gâte, je pense. On voulait faire de la place, tu sais. On a révélé vers la fin de la session d'hiver ton état d'âme. On l'a pas vraiment dit, mais... Non. On l'a pas dit, évidemment. Il y a deux invités qui l'ont dit, mais on n'a pas souligné la chose. Non, c'est ça. Peut-être pour essayer de replacer les choses, ouais. Là, j'imagine que... Il y a peut-être des gens naïfs à la maison qui ont cru que j'étais mormone. Mormone? Vous êtes vraiment... vous êtes drôle. En tout cas. Mais bref, je suis juste comme full enceinte jusque dans les côtes. Et tu t'es fait de la place, t'as laissé ta petite ou ton enfant sortir un petit peu de l'entregent. C'est ça, j'ai une petite main qui fait bye-bye. On dirait une jumelle siamoise pas bien formée. Mal formée. C'est comme la jumelle en devenir de Marie Melon. C'est comme une jumelle à retardement. Là, on était supposé être ici pour avoir du plaisir et tu nous ramènes le personnage de Marie Melon de David Ferron. Ça vient un petit peu gâcher. Ouais, mais une petite main qui fait bye-bye. Bonjour. C'est clair qu'on pense à Marie Melon, non? On pense aussi à David Ferron parce qu'il nous écoute en ce moment. Il va être en ondes plus tard aujourd'hui pour ceux qui écoutent en direct. Donc, soyez-y pour David Ferron. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de l'émission d'aujourd'hui? C'est qu'on va goûter à des choses tout le long de l'émission. Ou peut-être accoucher. Peut-être accoucher sur... On sait jamais, là. On a acheté une table en plastique chez Canadian Tire exprès pour pouvoir laisser accoucher en studio. C'est... Non, mais avoue qu'on torche toutes les émissions de Connaître ensemble là, si jamais j'accouche live en ondes. Ha ha! On vous a eu. Connaître ensemble. L'année prochaine, vous allez devoir faire mieux. À chaque épisode, quelqu'un qui a plusieurs personnes qui accouchent en même temps. Bonne chance. Une chorale. J'allais dire une orgie d'accouchement. OK. Si on veut. C'est ça, non? C'est comme le processus inverse de la procréation. Wow. C'est la désorgie. La désorganisation, désorganisation. Hey, ça fait longtemps qu'on n'est pas en onde, fait qu'on sait plus comment on s'en va. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va goûter à 3, 4, 5, 6, 12 produits. On va voir... 3, 8. On va voir le temps qu'on a. On va goûter le nombre de produits qu'on peut. On en mettra 3, 4 dans notre bouche en même temps. Pourquoi prendre notre temps? Savourons pas. Mais non. Mangeons. Non, mais as-tu remarqué, plus c'est bon, moins on savoure, puis plus on se gave. C'est vrai. Puis on a mal au cœur. On regrette, on pleure. Se vomir, puis on recommence. Hé, hey, Colin, le cercle de la vie. Donc, c'est ça. Mais avant de commencer à manger, on va avoir un produit et une chanson à la fois. Tac, tac, tac, tac, tac, puis des nouvelles de Fasso. C'est ben la première émission d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la chanson des Marinelli qui s'appelle On dit, puis on ouvre notre premier produit juste après dans une grosse pointe en tresse. We'll be right back. on dit à Assemblage Requis, on dit qu'on a faim, nous autres, tout le temps. Donc, allons-y avec une grosse pointe à l'adresse. Évidemment, comme l'émission complète, une grosse pointe à l'adresse, on ne mettra pas l'intro. Hein? Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Pas comme 40 fois dans l'émission. Une fois de temps en temps. Donc, Steph, on s'est donné en ronde un petit canevas de comment on va procéder. Hein? Et puis, on espère que ça va fonctionner. J'imagine que de la manière dont on s'en est parlé, ça va fonctionner. Ben, ça a du sens. On s'est dit qu'il fallait du sucré pour allumer le salé. C'est ça. Et pour venir comme un peu atténuer le sucré, ça prend quelque chose à boire. Donc, dans l'ordre, ça fait salé, sucré, à boire, salé, sucré, à boire. Donc, j'imagine que tu as quelque chose à boire. Oui, j'ai aussi quelque chose à boire. OK. Parce que j'ai amené deux affaires à boire au cas où tu aies pensé à la même affaire que moi. Nous, on va voir. OK. On va voir. C'est stressant, c'est vrai, on s'en est pas parlé, là. On est super stressé, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on fait, là. Mais si jamais on a un produit dentaire, je pense qu'on pourrait le mentionner tout de suite. Oui. Peut-être pas attendre à son tour. C'est ça, OK, parfait. Pour éviter, pas faire semblant nécessairement. Non. On n'est pas des menteurs, là. On n'est pas comme la madame de la NAACP aux États-Unis qui se faisait passer pour une noire. Là. On n'est pas de même, ça. On n'a pas vu ça. Tellement non. Pas courant. Tellement pas comment pas. Tu peux faire semblant d'être noire? Ben, c'est fait comme une permanente de cheveux tortillonnés. Ben ouais, puis sa peau, elle. Ça se fait bronzer un peu. Va voir ça. C'est madame Dourlechon. D-O-L-E-Z-R. C'est bizarre, c'est comme ouais. Michael Jackson inverse. Ah lui, je pense que c'était du vitiligo, je pense. Sa peau c'est quoi? Vitiligo? C'est comme. Vitiligo. C'est quand ta peau est comme pas nécessairement tout le temps la même couleur, puis elle pâlit un peu avec le temps. Michael, je pense que c'était ça. Non, c'était des opérations. Parce que tu. Les deux, je pense. C'est vite opéré. Hey, pourquoi on parle de potin? Parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est parle pas. On se parle pas. Fait qu'on là, on mange. On mange ensemble. OK. Mais enfin, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, on s'appelle, on déjeune. Ouais, mais moi, je dis on s'appelle pour on s'écœure. Fait... Ouais. Bon, et on commence. Donc, OK, j'y vais avec le premier produit. Okay. Je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu as écouté. J'ai regardé, je fais vraiment attention pour. Non, mais à l'épicerie, peut-être tu l'as vu à l'épicerie. Ah, ben ça, sûrement. Et sûrement, je l'ai acheté. On va avoir les doublons, je suis sûr, au moins un doublon. Je sais pas. Oh. Donc, le premier produit, c'est. Ah non. un mix-up okay. Pêle-mêle. Donc, c'est un équivalent Millimelo, mais de la marque Cheetos. Oh! Est-ce que tu l'as vu à l'épicerie? Je l'ai vu à l'épicerie. Tu as-tu goûté? J'ai pas goûté. Donc, excusez-moi, là, j'essaie d'enlever. Tu sais, les collants, genre payés. Toi, t'as un petit trouble obsessif-compulsif que tu dois enlever les collants, mais des fois, ils sont plus difficiles à enlever. Et ça ressemble à une perte de temps. Mais non, c'est pas une perte de temps. Je peux pas lire ce qu'il y a en dessous. Ah! Parce que c'est directement sur le descriptif du produit. Lancer, hein. Tu vas me lancer le collant. Ben non. Non, OK. Quand tu t'y attendras pas. C'est ça. Je voulais qu'elle soit prévisible, mais elle était pas. Donc, moi, j'ai vu que c'était écrit nouveau. Parce que moi, je regarde pas ça, ces produits-là, normalement. T'es trop une femme santé. Je te dirais depuis les 38 dernières semaines, plus ou moins. Ah ouais, ça. Et santé, Stéphanie, ça fait Stéphanie. Exactement. Et c'est pas très drôle, donc c'est pas très funny. Donc, c'est écrit nouveau. Je me suis dit, ça doit être nouveau, au pire, des derniers 6 mois. Oui, c'est ça, parce que le nouveau, on l'enlève passé au moins 6 mois. Non? Oh oui, mais tu sais, tant qu'à changer le produit, on le laisse quand même là à long puis, terme. Puis après, tu remets le nouveau parce que t'as changé l'emballage. Tu mets le nouvel emballage. C'est ça, ou saveur améliorée, alors que c'est la même Christie d'affaires. Oh oui. Donc, il y a 4 saveurs à l'intérieur et il y a aussi 4 formes dans des shapes. Je pense que c'est-à-dire qu'il y a 4 fautes, tu le sais. Donc, si on comprend bien, chaque shape a sa propre saveur. Ah, que j'ai des doutes là-dessus. Ah, OK. Ben, sur le sac, en tout cas, c'est écrit qu'il y a des saveurs différentes. Donc, c'est vraiment Cheetos pêle-mêle. C'est des saveurs cheddar fort. Donc, c'est un mélange de salsa et fromage. Donc, on a le premier petit bâton qui a l'air vraiment d'une crotte déformée, qui est cheddar jalapeno, comme on dirait bon québécois. Des jalapeno, qu'on dit. Jalapeno. Ensuite, on a une espèce de gaufrette trouée qui est cheddar et chipotle. Chipotle. Ensuite, on a la traditionnelle crotte de fromage au cheddar. Qui va sûrement absorber les autres saveurs qui vont s'effriter des autres, quand même un peu. Là. C'est clair que ça va se mélanger, mais c'est quand même le but d'un pêle-mêle. Ben oui. Et ensuite, on a la petite crotte d'orignal qui est salsa piquante. La crotte d'orignal? T'as jamais vu du caca d'orignal? Non. Ben, ça ressemble à ça. Ah. Donc, tout le monde à la maison. Un rectangle à coin rond. Vous avez juste à googler caca d'orignal. Et ça va vous sortir des Cheetos pêle-mêle. Mais vous l'imaginez orange. Okay. Ou vous imaginez un orignal qui a mangé des Cheetos. Ça va faire des Cheetos salsa piquante. C'est ça. Voilà. Sûrement que ses doigts sont orange aussi, ses bouts de pâte. Ah, ben c'est clair. Donc, il y a les ingrédients pour chacune des formes. Ah. Donc, c'est super long. On s'en contre-torche. Je vais pas lire ça. Parce que de toute façon, le premier ingrédient, c'est toute semoule de maïs enrichie. Puis après ça, on s'en fout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein? C'est fait par Frito-Lay. Tout le monde sait ça. Ben oui. La date n'est pas passée. Toi. Hey, cette semaine, pour vrai, j'ai acheté tellement d'affaires que la date n'est pas passée. À l'épicerie, ils font tellement pas attention. Ça m'énerve, ça. Non, mais toi, tu peux regarder et tu peux les avoir à moitié prix. Oh! Tu peux les dealer. J'ai déjà réussi à dealer quelque chose d'avant qui passait date comme dans 2 jours. Ouais. Il avait oublié d'enlever. Puis là, il y a comme personne qui savait quoi faire. Mmh. Bon, on va te donner 50%. De toute façon, il faut le jeter. Puis tu le prendrais. Tant qu'à l'acheter puis l'acheter chez vous, comme j'ai fait. Moi, c'était 3 mois de retard. Avril, mai, juin, trompe. Oh! Ouais. C'est moyen tentant de le voir. Ouais, non, c'est ordinaire. Ouais. Ben, c'est ça, il n'y a rien d'autre à dire. Okay. Le sac est mauve et orange, c'est super beau. Bon, ben cool. Notre micro-magique nous a attendu depuis 1 mois et demi. Il a changé de place entre-temps, mais il est quand même là. Il est toujours à ma gauche. Ouais. Ça doit être lui. Ben, c'est une tradition, le gars. C'est pas parce qu'on est rendu avec un ordinateur à gauche, puis l'électeur CD à gauche, puis chute à l'envers. Faut changer le micro-magique de place. OK, fait qu'on y va. Les Cheetos pêle-mêle. C'est quand même bien ouvert. C'est satisfaisant correct, je trouve. Ben un sac de chips, t'as pas le choix, ça s'ouvre tout le temps pareil. À part pour les Sun Chips, où là tu fais un vacarme. T'sais. Le micro magique serait pas capable de supporter les sacs de Sun Chips. Tu sais, un peu aluminium foil. Ouais, c'est un peu plus comme épais, là. Tu sais, comme. Écologique, là, mais ouais. Ouais, un peu comme les Miss Vicky, c'est un peu le. Les chips cuites à la marmite sont tout le temps plus épais. Ouais, aime plus, ça. Aime ça, les. Cuits à la marmite. Ben oui. Cool. Je me roulerais dedans. That's cool. Fait que je sais pas comment on procède. Je te dirais, je vais essayer d'en prendre une de chaque que je vais mettre sur le palmarès. Ah, ben oui. Le palmarès qui est passé d'attaque. Donc là, j'essaie de trouver chacune. Ah, j'ai la petite crotte louche. Et ah, la petite crotte d'orignal est vraiment rouge plus foncé. Ça va goûter rouge foncé. J'ai bien hâte de voir ça. Bon, moi aussi, j'ai des feuilles. C'est des feuilles de baseball, les aigles. Et j'ai apporté des napkins, hein, justement, parce que c'était du fromage. Je me suis dit que ça pourrait être pertinent de se torcher les doigts. C'est vrai, ça. Donc, j'ai décidé de ployer le mot torcher le plus souvent possible aujourd'hui. Il y a combien de sortes de choses? 4. 4? Oh. Tu m'écoutais pas? Un speech. Non, 4 formes, 4 saveurs. J'ai essayé de trouver la 4e forme, puis ils se ressemblent toutes. Ben, j'imagine que c'est celle-là que tu trouves pas. Faut que tu trouves celle qui était dentée, celle qui fait pas un sourire. OK. C'est ici. Ouais. Voilà. OK, on est prêt. Donc, on commence par quoi? Je commencerai avec la standard. Ben oui, crotte de fromage, on sait à quoi ça tord. On se met dans la gueule, puis... Voilà. Ah, c'est bien gros. On dirait qu'il est un peu plus épicé, mais c'est juste mental, je pense. Mais on doit avoir absorbé un peu les autres Non, je le sens, le barbecue. Un petit peu de barbecue dedans. C'est bon. Ça goûte un peu les... Les Doritos, ça chie plus trop quoi. Oui, éclaté, genre barbecue éclaté, quelque chose comme ça. Que c'est super bon, ça en fait. Ça mauve, je pense. Après ça, j'irai avec la seule qui a l'air d'une crotte de constipation. Ça, c'est-tu... ça, c'est-tu les Flaming Hot Cheetos? Parce que je les reconnais, il me semble, visuellement. Cheddar à la peignot. Jalapeno. Je pense qu'il y a des sacs complets de ça. Oh, on va goûter à ça, moi. Moi, je préfère ça, là. Oh, que c'est bon. Je préfère de loin ça, là. C'est solidement bon, là. Ouais, puis pour vrai, je cherche les sacs de les Flamin' Hot Cheetos. Mais c'est pas trop épicé, non. En fait. C'est juste relevé. Pour ceux c'est qui aiment. Vraiment bon. Qui aiment le fromage épicé, là. Aussi des Doritos. Les Doritos sont un petit peu plus épicés. Évidemment, c'est tout le même genre de fromage, on se trompe pas, là. C'est très bon. J'adore ça. La prochaine, c'est la crotte d'orignal. Oui, qui est à quoi? Donc, salsa cheddar, si je salsa comme verde. Non, c'est la salsa piquante, celle-là. Salsa piquante. Ben, il y a d'autres cheddar là-dedans. Pareil, c'est juste plus sucré un peu. Hein? Ben, il y a le petit goût salsa tomaté, peut-être en arrière-goût, qui pourrait être plus relevé, selon moi. En fait, je trouve que tout pourrait être un petit peu plus relevé parce que si t'en manges plusieurs en même temps, je suis sûr que la saveur s'annule et ça goûte juste rien. Non, moi, je pense que si tu prends les 4 en même temps, t'as vraiment le jalapeno qui va venir compléter la salsa de façon impeccable. On essaye les 4 en même temps tantôt. Ouais, on essaie le dernier, le 4e, c'est la petite... Gaufrette, avec des trous dedans. Qui est à quoi, donc? Faut répéter, là. Moi, j'ai un petit peu moins. C'est cheddar et chipotle. Ah, chipotle. Pareil. Pareil comme celle d'avant, non?

reflection in the mirror isn't who I used to be. The person that you left behind isn't who I see. My lips, they move, tell different stories, using words I've never known. It's time to stop and call this perfect place a home. And that's all gone. It's never coming back. And that's all gone away for good. And I'm alright with that. And I'm moving on. It's time to look ahead with the past behind me now. And I'm alright with that. We were so beautiful in a time and place not here. No light on subjects. We go further year on year. I'm going looking everywhere to see who I might be. With every moment growing shorter still, the space between the lines allows a little chill to blow inside. A chill to blow inside. And that's all gone. It's never coming back. And that's all gone. Reflection in the mirror isn't who I used to be. The person that you left behind isn't who I see. The smell of secrets as they smolder in your mind, unfolding thoughts and prayers and memories you'll find. It seems like yesterday I understood everything so clear. And that's all. Coming back, and that's all gone away for good. And I'm alright with that. I'm moving on. It's time to look ahead with the past behind me now. And I'm alright with that. And that's all gone. And that's all gone away for good. And I'm alright with that. Yeehaw! Toujours à une émission spéciale d'Assemblage Rocky qu'on appelle une grosse pointe en dresse. Là, on a dit au début de l'émission qu'on allait faire salé, sucré, boire, salé, sucré, boire. Fait qu'on est rendu logiquement à boire parce qu'on a mangé des chips un peu sucrés barbecue. C'est bon ça, mettons? C'était pas ce qu'on avait prévu pour ouais, déjà, on a un petit peu contrevenu à nos règlements. Probablement, on anime dans une case horaire qui n'a aucun rapport, fait qu'on est déjà illégal. Ouais. On anime sans l'avoir dit à la communauté étudiante au complet, tu sais, genre. Puis on fait n'importe quoi en plus, fait que. Hein? Hein, les règles aujourd'hui, c'est l'été, hein? Hein? Bon. De toute façon, ils vont faire quoi? Nous dire de ne pas faire l'émission le reste de l'été? Hey, on n'en fait déjà pas. Bon, donc on est rentré à boire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous sacrer des hanches, je travaille même plus ici! Hey, Colin! Là, c'est dit. Donc, qu'est-ce qu'on boit? On boit-tu de ton bar ou de mon bar? Mais on peut. Ben là, on va continuer de mon côté, vu qu'on était de ton côté. Okay, bon. On va alterner. Good. On peut continuer comme ça. À ta guise. T'as peut-être la même chose que moi, de toute façon. Ben, en fait, je me le demande parce que ça se pourrait vraiment, parce qu'on a déjà parlé de ça, toi et moi. Je sais pas. On a-tu déjà parlé? Essaye-toi. Peut-être. En tout cas, je vais plonger dans mon sac. Oui. Pas au complet, parce que je rentre pas dedans, clairement. C'est pas la même chose, mais j'ai vu, par contre. OK. Donc, excusez, j'ai parlé la main devant la bouche. C'est pas poli. C'est Nesté qui a fait des nouvelles saveurs de thé glacé. Oui. OK. Et tout simplement, thé vert glacé, mais à saveur naturelle de bleuet et de menthe. Wow! Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Il y a aussi au cassis, mais j'avais déjà goûté au cassis. Je vous confirme que c'est très, très bon. OK. Allez essayer au cassis.

Rien que l'autre en avait goûté non plus. Non. Un franc succès aujourd'hui. Colin, des émissions de même, hein? C'est le fun. Et c'était toutes des surprises. Tout à fait. On s'est pas appelé rien, là. On n'a pas rien que ça à faire, se parler. Hey, on s'est parlé une fois, là, genre deux semaines. Hey, faudrait bien qu'à un moment donné, on fasse une émission. On s'est rejoint il y a deux jours. Hey, on fait ça. Voilà. Et on l'a fait. Voilà. Hey, on n'a pas tant de niaisins, là. Non, des travailleurs, nous autres. On travaille pour vous autres et notre estomac aussi. Mm. Mais pas pour notre portefeuille. Détail. Hey, faut détails. Manger dans la vie, là. C'est une fois dans l'été. C'est ça. Ça fait un mois et demi, j'ai pas fait d'épicerie, là, pour cotiser l'émission. C'est ça. Puis la prochaine fois, quand tu reviendras puis t'auras accouché, on mangera ton placenta ensemble. On l'ouvre dans le micro. Hey, juste pour ça, j'ai le goût de payer quelqu'un pour me l'encapsuler pour pouvoir t'amener ça. Fais-lui les petites pilules, là. Ouais, il y a ça, hein. Oui, il y en a que tu peux le faire déshydrater, le faire encapsuler. Et tu peux le consommer comme ça et ça supposément que ça préviendrait le syndrome du postpartum. Ah oui. Il y en a d'autres un peu plus extrémistes qui vont vraiment le conserver au frais et en faire un rituel et le manger en famille. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut en manger aussi de ton placenta? Oui, oui, oui. Il y en a qui mangent ça en famille, là, qui vont vraiment peut-être faire un ragoût, quelque chose comme ça. C'est plein, plein de fer. Wow! Faut le faire, hein? Est-ce que celle-là a fait un sketch genre émission pour enfants postpartum? C'est drôle, ça. Avec un placenta? Ouais. C'est ce qu'un placenta, la vedette, genre? Passe-partout. Ouais. Mais les placentas. Si vous voulez aller voir les photos, elles n'y sont pas en ce moment parce qu'on est en train de faire, attention, une émission de radio. Mais plus tard, aujourd'hui, on va mettre les photos de tous nos produits. La balade de diffusion de l'émission va être là. Mm-hmm. Ça va repasser en reprise quelques fois. Puis après ça, bon débarras pour un bout. Encore. Puis à maintenant, on va revenir. Maintenant, on va revenir. On a réussi à s'en tenir quand même, à se retenir pendant un mois et demi sans faire de radio. Fait qu'on va essayer de pas battre le record, là, mais ça se pourrait qu'on le batte. Ben, c'est sûr que dans un mois et demi, je vais avoir accouché. C'est ça. Ça sera peut-être avant. Sinon, on peut faire une dégustation de mon lait maternel. Ben oui. Tant qu'à rester dans la thématique. Une émission de deux heures là-dessus. Hein, sur mon placenta, mon lait maternel. C'est ça. Que de plaisir. Génial. Moi, je syntoniserais ça, c'est sûr, sûr, sûr. Sur 89 FM. Connaître ensemble, là, ils sont pas extrêmes, ben, là. Connaître ensemble, du mangeage de placenta, puis du baseball. Moi, je... c'est fou, 89.1 cet été. Bon, fait que merci, Steph, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Assemblagerequis.com. Et tant qu'à passer sur Internet, allez voir facebook.com/assemblagerequis. Puis cliquez-nous sur le petit like, là, avec votre petit doigt, gratter le like, là, à votre écran. Puis on va apprécier ça pas mal fort. Merci d'avoir écouté. Il y a une grosse pointe à l'adresse. Puis c'est ça. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.